السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، donc nous continuons l'explication du hadith numéro 29 parmi les 40 hadiths de Nawawi rahimahullahu ta'ala. Donc nous nous étions arrêtés à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith lorsqu'il dit à Mu'adh: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. Donc lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم a dit à Mu'adh رضي الله عنه: ne t'informerai-je donc pas de la tête de cette chose, de son pilier et de son sommet, يعني الذي يجمع لك كل هذه الأمور. C'est-à-dire, ne t'informerai-je donc pas de ce qui réunit toutes ces choses qui ont été citées dans le hadith précédemment. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: la tête de cette chose est l'islam. Wal islam huna bi ma'na al istislam lillah bit tawhid wal inqiyad lahu bit ta'ah wal bara'ah min al shirk wa ahlihi. L'islam qui est voulu ici dans cette partie du hadith signifie la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala en l'unifiant et en lui obéissant et en se désavouant du shirk, du polythéisme et des polythéistes. فَهَذَا رَأْسُ الدِّينِ. Donc ceci est la tête de la religion. فَإِذَا قُطِعَ الرَّأْسِ فَلَا حَيَاتِ. Lorsque la tête est coupée, il n'y a plus de vie. فَكَذَلِكَ إِذَا ذَهَبَ الْإِسْلَامِ الَّذِي هُوَ الْإِسْتِسْلَامُ لِلَّهِ بِالتَّوْحِيدِ وَالْإِنْقِيَادُ لَهُ بِالطَّاعَةِ وَالْبَرَاءَةُ مِنَ الشِّرْكِ وَأَهْلِهِ فَلَا حَيَاتَ لِلْإِنْسَانِ فِي الدِّينِ. Et de la même façon, si l'islam tel qu'il a été défini, à savoir la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala en l'unifiant, en lui obéissant et en se désavouant du shirk et des polythéistes, en se désavouant du polythéisme et des polythéistes, donc si cet islam s'en va, s'il n'a pas cette chose, eh bien, il n'y aura pas de vie pour l'être humain dans sa religion. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وعمود الصلاة. يعني عمود الإسلام الصلاة. Puis le prophète صلى الله عليه وسلم a dit donc: et son pilier est la prière. C'est-à-dire le pilier de l'islam est la prière. Tout comme le pilier d'une tente ou d'une maison. Donc, la maison et le toit ne peut tenir si ce n'est en étant rattaché à un pilier. وكذلك الإسلام لا يقوم إلا على الصلاة. Et de la même façon, l'islam ne peut tenir sans la prière. فلو أنك عملت جميع أعمال الإسلام إلا الصلاة فإنه لا يقوم لك إسلام. Donc si tu accomplis tous les actes de l'islam, mais que tu délaisses la prière, eh bien tu n'as pas d'islam, ton islam ne tient pas. Car comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, le pilier sur lequel repose cet islam, c'est la prière. كما لو أنك أحضرت الخيمة والأوتاد والأطناب ولم تحضر عمودا تقيم به الخيمة لم تنتفع بها. فلا بد من اجتماع هذه الأمور وأهم شيء العمود فالصلاة هي عمود الإسلام. De la même façon que si tu apportes une tente avec non. De la même façon, si tu amènes une tente avec des piquets et avec des cordes, mais que tu n'apportes pas un pilier sur lequel cette tente va tenir, eh bien, tu ne pourras pas en profiter de cette tente, malgré que tu as la tente et tu as les piquets et tu as les cordes. Mais du fait que tu n'as pas amené le pilier, tu ne pourras pas en profiter. Donc, il est une obligation, il est nécessaire et indispensable que toutes ces choses soient réunies. Que toutes ces choses soient réunies. Et la plus importante des choses est le pilier. Et la prière est le pilier de l'islam. Comme a dit, « وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادِ » Et le prophète ensuite nous dit, « Et son sommet est le djihad. » C'est-à-dire le sommet de la religion est le djihad. « الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ » وهو قتال الكفار لإعلاء كلمة الله وإزالة الشرك والكفر من الأرض. Donc, le djihad, la lutte dans le sentier d'Allah, qui est le fait de combattre les mécréants afin d'élever la parole d'Allah et d'enlever le polythéisme et la mécréance de la terre. لأن الله خلق الناس لعبادته. Car Allah a créé les gens pour l'adorer. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Allah dit, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. أي يوحدوني بالعبادة يفردوني بالعبادة. C'est-à-dire qu'il m'unifie dans l'adoration. فإذا عبدوا غير الله فإنهم يقاتلون حتى يرجعوا إلى عبادة الله وإلى الإسلام. Et donc, s'ils adorent autre qu'Allah, alors ils doivent être combattus jusqu'à ce qu'ils reviennent à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala seul et qu'ils reviennent à l'islam. فالمسلمون يقاتلون الكفار من أجل مصلحة الكفار لإخراجهم من الكفر إلى الإيمان ومن الظلمات إلى النور ومن النار إلى الجنة وليس طمعا فيهم أو رغبة في سفك دمائهم أو أخذ أموالهم. Donc les musulmans combattent les mécréants pour l'intérêt des mécréants, afin de les faire sortir de la mécréance pour les faire revenir à la foi, et pour les faire sortir des ténèbres pour les ramener vers la lumière. et pour les sauver de l'enfer et qu'ils finissent par entrer au paradis. Ils ne les combattent pas en recherchant à leur voler leurs biens ou à faire couler leur sang ou simplement par envie et convoitise. قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. Allah nous dit dans la traduction rapprochée du sens des versets, du verset, et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de désordre et que la religion soit entière à Allah. والجهاد ذروة سنام الإسلام لأنه يدل على قوة الإسلام وبه يعلو الإسلام. Et donc le djihad est le sommet de l'islam, car il montre la puissance de cette religion, et c'est par celui-ci, par le djihad, que l'islam prévaut et triomphe. ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بملاك ذلك كله. قلت بلى يا نبي الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne t'informerai-je donc pas de ce qui te permettra de maîtriser tout cela? Je répondis, dit Mu'adh, très certainement, ô messager d'Allah. Alors, il tenut sa langue. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam tenut sa langue et dit: garde-toi de celle-ci. Retiens celle-ci. إذا عملت هذه الأعمال فاحذر مما يبطلها وأعظم ما يقضي على الأعمال الصالحة اللسان. Si tu fais tous ces actes qui ont été cités dans le hadith précédemment, alors prends garde de tout ce qui pourra les annuler, de tout ce qui pourra annuler tes actes. Et la chose la plus grande ou la chose la plus dangereuse qui peut annuler les actes, qui peut annuler les bonnes œuvres, la chose la plus dangereuse qui peut annuler les bonnes œuvres, c'est la langue. فَإِنَّ مَعْصِيَةَ اللِّسَانِ يَدْخُلُ فِيهَا الشِّرْكِ. Certes, la désobéissance de la langue entre dans la désobéissance de la langue beaucoup de choses, parmi lesquelles الشرك, le polythéisme, والكفر, la mécréance, والقول على الله بغير علم, et de parler sur Allah sans science, والسحر, et la sorcellerie, وشهادة الزور, et le faux témoignage, والقذف, et la calomnie, والكذب, le mensonge, wal-riba, la médisance, wan-namima, de colporter les paroles afin de semer la dissension entre les gens, wa-sa'iru al-ma'asi al-fi'liyah la yakhlu ghaliban min qawlin yaqtarinu biha. Et la plupart des péchés, la plupart des péchés sont accompagnés en général de paroles. فإذا أردت أن تبقى لك أعمالك وحسناتك فأمسك لسانك عن الكلام السيء فهو خطير جدا. Donc, si tu veux garder tes bonnes œuvres, si tu veux garder tes hasanat, alors retiens ta langue des mauvaises paroles, car ceci est très dangereux. Car la langue est très dangereuse. وقد جاء في الحديث الصحيح عند البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. Donc, il a été rapporté dans le hadith authentique, rapporté par le Bukhari, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes le serviteur prononce une parole plaisant à Allah sans lui prêter d'importance, sans prêter d'importance à cette parole, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'élève pour cette parole de plusieurs degrés. Et certes, le serviteur prononce une parole qui énerve Allah subhanahu wa ta'ala, qui provoque la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certes, le serviteur prononce une parole qui provoque la colère d'Allah sans prêter attention à cette parole, alors que cette parole le fait tomber en enfer. فقال معاذ بعد ذلك رضي الله عنه يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. Puis alors Muaz dit, ô messager d'Allah, est-ce qu'il nous sera tenu rigueur de ce que nous prononçons? يعني تعجب معاذ رضي الله عنه لأن الكلام سهل على الناس ألسنتهم دائما تشتغل وتتكلم فهل هذا يؤثر على أعمال الإنسان ويؤاخذ به. Donc Mouaz a été étonné car la parole est facile pour les gens, leur langue ne cesse de bouger, il ne cesse de parler. Donc Mouaz, il s'étonne. Il dit, est-ce que cette langue a une influence et un impact sur les œuvres de l'homme? Est-ce qu'il lui en sera-t-il tenu rigueur? فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثقلتك أمك يا معاذ. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, que ta mère te perde, ô Mu'az. وهذه الكلمة ثقلتك أمك بمعنى فقدتك أمك وهذا أصله دعاء بالهلاك ولكن جرى على اللسان من غير قصد. يعني جرى على الألسن من غير قصد. Donc, cette parole en arabe, Sakilat ka ummuk ya Mu'adh, que ta mère te perde, ô Mu'adh, à l'origine, cette parole, c'est une invocation contre la personne. Mais c'est devenu quelque chose de courant qui est prononcé alors qu'on ne, on n'a pas véritablement l'intention de faire cette invocation. C'est une parole courante qui a commencé à être répandue sur les langues, sans pour autant qu'elle soit accompagnée d'une intention. فقوله صلى الله عليه وسلم ثقلتك أمك ليس معناه أنه يدعو على معاذ بالهلاك وإنما هي كلمة تجري على اللسان ولا يقصد معناها. Donc sa parole, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ta mère te perde, en arabe, thakilatka ummuk, ceci ne veut pas dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train d'invoquer la perdition sur Mu'az. Mais c'est une parole, comme nous avons dit, qui est devenue courante et qui est répandue sur les langues sans être accompagnée d'une véritable intention. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. Alors le prophète صلى الله عليه وسلم après cela a dit à Mu'az, y a-t-il une chose qui précipite les gens en enfer sur leur visage ou sur leur nez, autre que ce que leurs langues ont récolté. فهذا فيه خطر اللسان وخطر الكلام. Et donc ceci nous montre le danger de la langue et le danger de la parole. فقد يتكلم الإنسان بالشرك والكفر ويخرج من الإسلام. Certes, il se peut que la personne prononce des paroles de shirk, de polythéisme, ou des paroles de mécréance, et par là il sort de l'islam. وقد يسب الدين ويسب الرسول ويستهزئ بالدين. Il se peut également qu'une personne insulte la religion ou insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou se moque de la religion et sans faire attention, il sort de l'islam. Il insulte la religion sans faire attention ou il insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans faire attention ou il se moque de la religion sans faire attention et par là, il sort de l'islam. وقد يقول كلمة الكفر وهي خفيفة على اللسان ولكنها تذهب أعماله ويصبح كافرا. Il se peut que la personne prononce une parole de mécréance, facile à dire sur la langue, alors qu'elle quoi? Alors qu'elle annule toutes ses œuvres et qu'il devient mécréant. فيخلد في النار. Et donc, cette personne finit éternellement en enfer. وَقَدْ يَتَكَلَّمُ بِالْغِيبَةِ وَالنَّمِيمَةِ وَهُمَا كَبِيرَتَانِ مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ وَقَدْ يَتَكَلَّمُ بِشَهَادَةِ الزُّورِ وَهِيَ غَلِيظَةٌ شَدِيدَةٌ وَكَذَلِكَ يَحْلِفُ وَيُكْثِرُ مِنَ الْأَيْمَانِ وَمِنْهَا الْيَمِينُ الْغَمُوسُ الَّتِي تَغْمِسُ صَاحِبَهَا فِي النَّارِ فَكُلُّهُ كَلَامٌ. فإذا استعملت هذا اللسان في الكلام الطيب أثمر لك الخير. Donc, tout d'abord, le Cheikh Al-Fawzan a donné l'exemple donc de celui qui prononce une parole de mécréance facile sur la langue et qui annule toutes ses œuvres et par là il devient mécréant. Et il finira éternellement en enfer. Puis il dit, il se peut qu'il prononce une parole qui est considérée comme de la médisance ou du colportage de paroles entre les gens afin de semer la dissension entre eux. Et ceux-ci sont deux grands péchés. Ou il se peut qu'il prononce un faux témoignage ou qu'il jure. Qu'il jure en mentant. Et tout ceci amène en enfer. Ce sont des péchés qui amènent en enfer. Si Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas miséricorde aux musulmans qui sera tombé dans ces péchés. Donc tout ceci, ce sont des paroles. Soit elles te font entrer en enfer éternellement si ce sont des paroles de mécréance, ou soit tu mérites un châtiment en enfer, une durée déterminée, si ce sont des paroles qui constituent un péché. Et ici, je rajoute que parmi la croyance des gens de la Sunna, c'est que le musulman qui commet un grand péché et qui meurt sans s'en être repenti, il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Soit Allah lui pardonne son péché et le fait entrer au paradis directement, ou soit Allah subhanahu wa ta'ala le châtie une période déterminée en enfer, puis sa demeure finale sera le paradis. Et ceci ne vaut que pour le musulman, que pour le croyant. Quant au mécréant, eh bien, il est éternellement en enfer. Le mécréant sera éternellement en enfer. Donc prenez garde aux paroles que vous prononcez, que ce soit des paroles de mécréance qui vous feront sortir de l'islam et qui vous feront entrer éternellement en enfer, ou que ce soit des péchés qui, pour lesquels le croyant peut mériter un châtiment en enfer pendant une période déterminée. Puis le cheikh dit: فإذا استعملت هذا اللسان في الكلام الطيب أثمر لك, يعني أثمر لك الخير. Donc le cheikh dit ensuite: si tu utilises cette langue dans les bonnes paroles, alors elle te portera des fruits bénéfiques. كالتسبيح والتهليل والتكبير وتلاوة القرآن وذكر الله, tel que le fait de dire subhanallah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, le fait de réciter le Coran et d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, de faire du zikr. Toutes ces choses, ce sont des bonnes paroles qui te procureront un bien dans l'au-delà. Wa in istamaltahu fil kalam sayyi ahlakaka wa awqa'aka fin nar wa anta la tadri. Par contre, si tu utilises cette langue dans les mauvaises paroles, eh bien, cette langue causera ta perte et te fera tomber en enfer sans même que tu t'en rendes compte. Inna al-insan qad yusalli fi al-layl wa yasum wa ya'malu al-a'mal as-salihah walakinahu yajlisu yaqtabu an-nas. يجلس يغتاب الناس ويتكلم فيه فتذهب حسناته. Il se peut que l'homme, il se peut que l'être humain fasse la prière, fasse des prières de nuit et qu'il jeûne. Il fasse beaucoup de jours de jeûne surérogatoire et qu'il fasse beaucoup de bonnes actions. Mais il s'assoit et il médit sur les gens et il parle sur eux en mal, de telle sorte que toutes ses bonnes actions partent. Toutes ses bonnes actions partent dans le compte des gens qu'il a médit et des gens sur qui il a parlé en mal. وهنا أنبه على أن هناك أمور هناك أمورا ليست من الغيبة قد نص عليها العلماء. Ici, je mets l'accent sur et j'attire l'attention sur une chose, c'est qu'il y a des choses qui ne font pas partie de la médisance, comme l'ont explicité les savants. فقالوا القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة المنكر. Les savants ont dit, la critique n'est pas de la médisance dans six cas. Premièrement, celui qui est victime d'une injustice. C'est-à-dire, il dit, un tel a été injuste envers moi, il m'a fait ceci. Il m'a volé ceci ou cela. Cette critique ne rentre pas dans la médisance. Et également, le deuxième type de critique qui ne rentre pas dans la médisance, mu'arrifin. C'est-à-dire pour décrire une personne. Par exemple, quelqu'un qui est petite taille. Et on sait qu'il n'aime pas qu'on dise de lui qu'il est petit. Car la riba, car la médisance, c'est le fait de citer. C'est le fait de parler de ton frère et de citer en lui des choses qu'il n'aimerait pas qu'il soit divulguées. Donc, si quelqu'un est petit et qu'il n'aime pas qu'on dise de lui qu'il est petit, le fait de le faire comme ça n'est pas permis et rentre dans la médisance. Mais si c'est le seul moyen de le décrire afin de le différencier d'une autre personne, alors dans ce cas-là, il est permis de le dire comme les savants l'ont expliqué. Par exemple, on connaît deux personnes et tous les deux s'appellent Abdullah. Il y en a un qui se différencie de l'autre par sa petite taille. Donc on va dire Abdullah le petit. Abdullah le petit a dit ou a fait. Donc ceci afin de quoi? De le différencier de l'autre Abdullah. Donc c'est le deuxième type de critique qui ne rentre pas dans la médisance. Pour décrire une personne afin de la différencier d'une autre. Le troisième cas de critique qui ne rentre pas dans la médisance, wa muhadhiri, c'est-à-dire pour mettre en garde contre une personne qui représente un mal. Tels que les gens de l'innovation et tels que les grands désobéissants qui représentent un danger. Le quatrième cas qui ne rentre pas dans Le quatrième cas de critique qui ne rentre pas dans la médisance, wa mujahirin fisqan, celui qui fait un péché au grand jour, il est permis de le citer par ce péché, car il ne s'en cache pas. Wa mustaftin, et également le cinquième cas, celui qui demande une fatwa, il va voir un savant, il lui dit, un tel m'a fait ceci ou cela. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que j'ai le droit? Par exemple, est-ce que j'ai le droit est-ce que j'ai le droit de rapporter son affaire à la justice, par exemple? Et le sixième cas et dernier cas que les savants ont excepté et qui ont dit qu'il ne faisait pas partie de la médisance, Man talab al-i'anata fi izalati al-munkari. Celui qui demande de l'aide pour enlever un mal. Celui qui demande de l'aide pour enlever un mal. Également, ça ne rentre pas dans la médisance. Et ces six cas, Al-Nawawi, rahimahullah, les a cités dans son livre Riyad al-Salihin, le jardin des vertueux. Après le chapitre sur l'interdiction de la médisance, il a mis un chapitre expliquant les choses qui ne font pas partie de la médisance. Donc je vous invite à retourner à ce livre pour avoir l'explication détaillée de tout cela. طيب اذا نعود الى كلام الشيخ الفوزان ويقول ان الانسان قد يتكلم بالكلمه فتذهب حسناته. Donc il dit donc qu'il se peut que la personne prononce une parole qui va annuler ses œuvres. إما أنه يبطلها كلها بكلمة الكفر والشرك والاستهزاء والسخرية بالدين. Soit ça va annuler toutes ses œuvres, si c'est une parole de mécréance ou de shirk, polythéisme, ou une moquerie de la religion. وإما أنه لا يبطلها ولكن يأخذها المظلومون منه يوم القيامة بسبب حصائد اللسان. Ou alors, ça ne va pas annuler toutes ses œuvres, mais toutes les personnes qui ont été victimes d'une injustice à cause de sa langue, ce sont eux qui vont les prendre le jour de la résurrection. Car comme il a été rapporté dans un hadith authentique, que celui qui médit sur les gens et qui les insulte et qui parle sur eux et qui est injuste envers eux, qui a porté préjudice aux gens, celui qui a porté préjudice aux gens, il y a un hadith qui est venu pour expliquer que cette personne, lorsqu'il arrive au jour de la résurrection, toutes les personnes qui ont été victimes d'une injustice de sa part viendront et prendront de ses hasanat, ils prendront de ses bonnes actions. Et une fois que ces bonnes actions seront terminées, s'il reste encore des personnes qui n'ont pas encore récupéré leurs droits, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala prendra des péchés de ces gens-là et les mettra à son compte. فاللسان خطير جدا. Donc la langue est très dangereuse. ولهذا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. Et c'est pour cela que le prophète صلى الله عليه وسلم nous a mis en garde contre elle. فيجب على المسلم ان يحذر من الكلام ولا يتكلم الا بحق ولا يتكلم الا في كلام يحتاج اليه ويفيد دينه ودنياه. Donc, il est une obligation pour le musulman de prendre garde à ses paroles et qu'il ne parle que dans la vérité, et qu'il ne prononce de parole, et qu'il ne parle que dans des choses et qu'il ne parle que dans des choses nécessaires, des choses qui profiteront à sa religion et à sa vie mondaine. وَيَتْرُكُ فُضُولَ الْكَلَامِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ مِنْهُ فَائِدَةٌ. Et il doit délaisser les paroles futiles qui n'ont aucun intérêt. فَكَيْفَ بِالْكَلَامِ الْمُحَرَّمِ وَالْكَلَامِ الْفَاحِشِ. Alors que dire même des paroles interdites, des paroles haram et des paroles de turpitude. هذا أشد وأخطر على الإنسان. Ceci est encore pire et encore plus dangereux pour l'être humain. وبهذا ينتهي شرح الشيخ الفوزان لهذا الحديث مع الإضافات التي أضفتها من شروح ابن رجب وابن عثيمين وصالح آل الشيخ. Et c'est ainsi que se termine l'explication de ce hadith tel que l'a expliqué Cheikh Saleh Al-Fawzan, Hafidhahullah, qu'Allah le préserve, avec les ajouts que j'y ai apportés et que j'ai tirés des explications de Ibn Rajab ou de Cheikh Al-Uthaymin ou de Cheikh Saleh Al-Sheikh. Et je vais terminer en citant quelques leçons bénéfiques que nous tirons de ce hadith en me basant sur ce que Cheikh Al-Uthaymin a cité dans son explication des 40 hadiths de Nawawi. فمن فوائد هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم ولهذا يكثر منهم سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن العلم Donc la première des leçons que nous pouvons tirer de ce hadith, c'est la motivation des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la science. Et c'est pour cela qu'ils interrogeaient beaucoup le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les choses de la science. Également, parmi les bénéfices que nous tirons de ce hadith et les leçons que nous tirons de ce hadith, إثبات الجنة والنار يعني la confirmation qu'il y a un paradis et un enfer. Et également, troisième leçon que nous tirons de ce hadith, c'est que les actes les bonnes actions sont une cause pour entrer au paradis et pour être écarté de l'enfer. Également, parmi les leçons que nous tirons de ce hadith, c'est qu'il incombe aux musulmans de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de lui faciliter les choses de sa religion. Et également, parmi les leçons que nous tirons de ce hadith, c'est que l'islam est composé de 5 piliers. Et également, parmi les leçons que nous tirons de ce hadith, c'est que le jeûne est un bouclier qui protège le serviteur de l'enfer. Et également, on tire de ce hadith que l'aumône, la sadaqa, éteint les péchés et les efface. Et également, parmi les leçons que nous tirons de ce hadith, l'encouragement à prier la nuit. Et également, on tire de ce hadith que la chose la plus importante dans la religion est le tawhid, l'unification d'Allah subhanahu wa ta'ala par l'adoration, d'adorer Allah uniquement. Et on tire également de ce hadith que l'acte le plus important dans l'islam, qui est le pilier de la religion et sans lequel il n'y a pas de religion, est la prière. Et également, on tire de ce hadith que le sommet de l'islam est le djihad. Puis finalement, pour finir, et c'est la dernière leçon que nous tirons de ce hadith, c'est le danger de la langue et des péchés qui sont commis avec la langue. Car elle précipite les gens en enfer. وبهذا ينتهي درسنا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين